AXA, premier assureur des pros. Tenons, mortaise, onglet, elle travaille le bois. Moi, j'y comprends rien, mais tant qu'elle se blesse pas... Soutenir sa fille, pour Thierry, ça va de soi. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend et on vous propose les garanties adaptées aux risques de votre entreprise. AXA, plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr, étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Direction la Bretagne dans la Cité des Peintres, palette complète à Pont-Aven. Dans ses souvenirs parus en 1939, le peintre Émile Bernard rapporte un événement qui a eu lieu au mois d'août 1888 quand il présente une toile à son ami Paul Gauguin. Le pardon de Pont-Aven venait d'avoir lieu et j'avais peint, me servant comme thème du costume local, une prairie ensoleillée de parti pris jaune avec des femmes portant des coiffures bretonnes et drapées de robes noires bleutées. De cette toile, Gauguin s'inspira. Ah, l'amitié entre les artistes, c'est beau, l'inspiration. Oui, mais dans ses cahiers pour Aline, Gauguin précise, j'ai rencontré dans mon existence bien des merdeux. Mais pas un comme le petit Bernard. Partout où vous allez, vous êtes sûr de mettre votre pied dans une de ces ordures. Diantre ! Mais que se passe-t-il à Pont-Aven ? Pont-Aven, une destination magnifique. Parfois, on y arrive par hasard. Vous êtes de passage ? Non, j'ai eu un accident là sur la route cette nuit. Quel côté ? 5 km d'ici, là, sur la route de Quimperlé. Un accident grave ? Oh non. C'est la bagnole qui a pris, j'ai heurté un sanglier. Tiens, je pensais qu'il n'y en avait pas dans la région. Si, quelquefois, ils viennent de la forêt de Canouette. Ouais, alors je me suis fait remorquer, j'aurais bien passé la nuit ici. Je vois que la mer Guérec, c'est encore là que vous serez le mieux. Ou alors à Pont-Aven, c'est à 4 km. Oh non. Vous êtes du coin ? Non, je suis en tournée, je suis voyageur de commerce. En article pour peintre ? Présentant en parapluie, ça c'est un portrait pour un de mes clients. Vous tâtez de la peinture ? Oh, un peu, en amateur. On peut voir ? Oui, si vous voulez. Si, si. Non, c'est pas fini. Ça fait rien. Ah ! C'est costaud, hein ? Ah, c'est costaud quand même, Jean-Pierre Marielle, qui est un peu peintre, et pas que, dans le film de Joël Serré en 1975, Les Galettes de Pont-Aven. Bonjour, Clarisse Bailleul. Bonjour. Alors, c'est dans ce film un petit écho, un petit clin d'œil à la peinture, qui parle de beaucoup d'autres choses, mais pas seulement de peinture. Pont-Aven, cité des peintres. Mais pourquoi Pont-Aven ? Pont-Aven, c'est quoi avant d'être la cité des peintres ? C'est un petit village en Bretagne ? Oui, avant d'être une, effectivement un grand centre artistique, Pont-Aven, c'est une toute petite ville dont on dit, un peu pour se moquer, Pont-Aven, ville de renom, 14 moulins, 15 maisons. Donc autant dire que c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose et c'est cette ville qui devient une ville prisée par les peintres. Nous sommes à la fin du 19e siècle. On peut peut-être préciser que cela s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus vaste. Nous parlons de la Bretagne, de Pont-Aven, mais auparavant, il y a eu d'autres lieux hors de la grande ville, d'ailleurs pas très loin hein, quand on pense à Barbizon, mais où les peintres s'approchaient de la nature. Ça, c'est ce grand mouvement de la deuxième moitié du 19e siècle. Oui, tout à fait. Enfin, il y a pas Pont-Aven n'est pas du tout la première destination des peintres quand ils arrivent en Bretagne. La Bretagne est de toute façon un peu colonisée, on va dire, partout. Il y a notamment une colonie d'artistes qui s'installe à Douarnenez un peu plus tôt. Parallèlement, effectivement, Pont-Aven reçoit et accueille déjà des peintres, mais pas forcément français. C'est plutôt une colonie de peintres américains qui s'installe à Pont-Aven un petit peu plus tôt et puis qui essaime de toute façon un petit peu partout en Bretagne. Pourquoi ces peintres ont besoin de quitter la ville ? Pourquoi ces peintres ont besoin de quitter la ville parce que à un moment ils ont besoin, je pense, de renouveler leur sujet. Effectivement, Barbizon, le plein air, l'impressionniste, c'est déjà cette recherche-là. Et puis il y a probablement aussi une envie d'aller chercher autre chose que l'Italie, puisque on a ce tour d'Italie qui est un parcours obligatoire dans la formation des peintres. Et à ce moment-là, il y a probablement aussi une envie d'aller chercher autre chose et d'aller chercher d'autres racines. Et avec le romantisme, de s'approcher de quelque chose de plus authentique ou des racines de la culture française. Ah oui, parce que le grand tour en Italie, ça c'est tout le 18e siècle, encore le 19e siècle, il fallait aller en Italie quand on était peintre. Bah, c'était pas mal aussi de se dire d'aller pourquoi pas en Bretagne. Avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Sophie Kervran, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du musée de Pont-Aven. Alors nous l'évoquions avec Clarisse Bailleul, petite ville très sympathique, Pont-Aven, enfin petit village, c'est quoi? C'était avant d'accueillir tous ces peintres, un petit port? Oui, un petit port avec le rôle essentiel de la Veyne, hein, la rivière qui passe par là et qui fait que, eh bien, ce petit village accueillait aussi des marins. On parlait breton, mais on parlait aussi français et ça a son importance aussi pour l'accueil des peintres un peu plus tard. Oui, parce que nous sommes dans une Bretagne où l'on ne parle pas encore français, mais il faut le dire, faut attendre la seconde moitié du XXe siècle, on va dire, pour que le français s'impose de manière définitive comme la première langue. Sophie Kervran, nous sommes dans un monde à la fin du XIXe siècle qui peut paraître très exotique pour quelqu'un qui vient de Paris. Exactement. En fait, quand ils viennent en Bretagne, ces peintres, ils viennent chercher aussi une nouvelle source d'inspiration. Les Bretons semblent en effet très exotiques avec ce qu'on appelle aujourd'hui les costumes, mais qui étaient vraiment leur vêtement du quotidien. Les femmes en coiffe, ils parlent breton, ils sont en boutouquat, les sabots, comme on les appelle en breton. Donc, on a un côté un peu primitif, si on peut dire. Voilà, on est la contrée où on peut-être se ressourcer, trouver d'autres influences que celles qu'on a pu avoir à Barbizon, peut-être un peu plus tôt. Voilà, Barbizon, hein, pas très loin de Paris, du côté de Fontainebleau. Pour nous, la destination, c'est Pont-Aven. Et d'ailleurs, pourquoi ce nom, Pont-Aven? Bonsoir mes chers petits, nous sommes à Pont-Aven. Et tout de suite, avec M. Kaenek et les élèves, nous allons vous donner le nom de Pont-Aven, c'est-à-dire son origine. Quelle est l'origine du nom de Pont-Aven? Il vient du pont qui a été construit au-dessus de la Veyne. Et qu'est-ce que c'est que la Veyne? La Veyne, c'est la rivière qui coule, qui vient du côté de Rospordin, qui coule jusqu'à Port-Manec. Je vous dirai tout de suite aussi que Pont-Aven ne s'est pas toujours appelé Pont-Aven. Il y a un très vieux nom de Pont-Aven, un nom latin, que l'on a rencontré vers 1300, 1210 même, je crois. On appelait Pont-Aven, c'était du latin, Ponte Lapidum. De quoi vivaient les gens à Pont-Aven autrefois? Ils vivaient de cabotage, plus ou moins. Ils avaient aussi quelques fermes qui étaient plutôt rares. Et les moulins, qui avaient beaucoup de moulins. C'est pour ça que la ville de Pont-Aven est une ville de renom. 14 moulins et 15 maisons. Ah, voilà le dicton que nous retrouvons, le dicton qui a rendu Pont-Aven célèbre. Ben voilà, le dicton que nous avons déjà rappelé, c'était en 1971, une émission enfantine sur Pont-Aven, avec des élèves qui avaient bien appris leurs leçons. Sophie Kervran, vous nous avez dit quand même que dans cette Bretagne potentiellement exotique pour beaucoup de Parisiens, il y avait à Pont-Aven la possibilité d'un accueil plus aisé grâce à l'utilisation du français. Expliquez-nous. Alors, c'est vrai que la mer remontait assez facilement le long de la Veyne, et donc c'était un port d'où partait du seigle, du froment. Donc les gens aussi se mélangeaient, parlaient français. Il y avait aussi beaucoup de marchés, et puis une grande tradition d'accueil à Pont-Aven. Ça, c'est vraiment important de le souligner, avec des maîtresses-femmes, des femmes qui en fait tenaient des pensions, des hôtels, et qui ont du coup facilité l'installation, notamment durant l'été, de ces peintres qui quittaient les académies parisiennes pendant la saison estivale. Oui, parce que Clarisse Bailleul, il y a ici une rupture dans la formation des peintres. Nous avons évoqué le grand tour en Italie, puis il y avait les écoles d'art, les ateliers, pour arriver dans un cursus qui était presque tracé. Il fallait du talent, mais il fallait réussir quand même à trouver sa voie dans quelque chose de figé. Ici, ce sont des gens qui sont en rupture avec ce système-là. Ils prennent leur palette, leur boîte de couleurs et ils s'en vont au bord de la mer. Oui, ils font effectivement cette rupture-là pour aller chercher, comme l'a bien souligné Sophie Kervran, de l'exotisme, finalement, pas si loin que ça, même si le voyage jusqu'à Pont-Aven était encore une sacrée aventure avant l'arrivée du train. Mais en même temps, les premiers peintres qui s'installent à Pont-Aven et dans la région sont quand même des peintres académiques qui ne révolutionnent pas tout de suite la peinture. Et on a des toiles qui sont plutôt académiques et qui donnent aussi plutôt une image de la Bretagne qui véhicule une image de la Bretagne tout à fait pittoresque, et de nombreux stéréotypes et de nombreux clichés s'installent assez rapidement au final en Bretagne aussi. Oui, parce qu'il y a plusieurs générations de peintres qui s'y installent à Pont-Aven, et parmi les premiers, effectivement, des peintres académiques. C'est très étonnant, j'ai vu ça, que Jérôme, le grand peintre Jérôme, alors là, chantre de l'académisme, recommandait d'aller là-bas, à Pont-Aven. Il disait, c'est très bien, ça vous fera des beaux sujets originaux. Donc l'idée était de représenter la Bretagne, mais à l'aune de ce qu'attendaient ces peintres de l'académisme, c'est-à-dire une Bretagne peut-être fantasmée et sans innovation technique majeure. Tout à fait. Et une Bretagne fantasmée, ça c'est vraiment très très important, puisque il y avait une grosse attente de la part du milieu artistique parisien des sujets qui allaient être peints en Bretagne et puis ramenés de Bretagne. Et finalement, venir en Bretagne chercher des sujets avait pour intérêt effectivement de quand même renouveler à un moment les sujets et puis d'aller chercher un peu d'exotisme, mais quand même de rester dans une certaine tradition de représentation et de sujets aussi qui étaient rapportés. Les salons étaient pour ça finalement une sorte de petite mettaient un peu des barrières à ce que les peintres pouvaient se permettre. Oui, les salons, c'est cet événement formidable où les peintres pouvaient exposer leurs toiles et dès lors espérer faire carrière pour certains et confirmer des carrières commencées pour d'autres, avec, vous l'avez évoqué Clarisse Bailleul, l'importance du marché. C'est-à-dire que si des peintres s'en vont en Bretagne pour ramener des représentations d'un monde qui plaît, c'est parce qu'ils veulent vendre aussi. C'est-à-dire que nous sommes dans ces années-là, 1860, 70 encore, et 80 et plus après, dans un monde où ça se vend, les représentations un petit peu sympathique d'une Bretonne avec la mer au loin. Oui, tout à fait. Le pittoresque de la Bretagne plaît énormément et ses représentations stéréotypées se vendent. Donc les peintres nécessairement continuent à voguer sur cette tendance. Ils ont bien raison. Sophie Kervran, dans les attraits que peut avoir Pont-Aven pour tous ces artistes, il y a l'arrivée du chemin de fer. Le mélange de ce monde très particulier, ce monde portuaire qui est là pour accueillir tous ces peintres, ça correspond aussi à des moyens techniques beaucoup plus simples. C'est important, le chemin de fer, dans cette histoire-là. Oui, totalement. C'est vraiment la date majeure. En 1863, le train arrive à Quimperlé, donc qui est à quelques encablures de Pont-Aven. On met désormais que 14 heures pour faire Paris-Quimperlé. Et puis ensuite, vous avez une voiture à cheval qui fait la liaison entre Quimperlé et Pont-Aven deux fois par jour. Et ça change totalement la donne. Avant cette date-là, des gens comme Flaubert, Mérimée, Turner sont totalement passés outre Pont-Aven, qui était à l'écart des routes. Et 1863, eh bien, c'est la possibilité pour les peintres américains dont parlait Clarisse tout à l'heure, de découvrir ce monde un peu particulier. Dès 1863, vous avez Henry Bacon, un peintre américain qui arrive, puis Robert Wiley qui va ensuite attirer de nombreux artistes, notamment de Philadelphie. Et en 1866, vous avez finalement cette première colonie artistique avec 107 peintres américains, 2 peintres anglais et 2 peintres français. Et 20 ans plus tard, ils seront une centaine de peintres l'été à Pont-Aven. Ah oui, ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup de peintres venus de l'étranger. Clarisse Bailleul, cette histoire que vous nous racontez, c'est une histoire internationale. On va retrouver à Pont-Aven les mêmes phénomènes que l'on peut retrouver à Giverny, par exemple, autour de Claude Monet, où il y a de plus en plus de peintres venus d'Amérique, d'Angleterre. C'est un peu la mode de se retrouver là. Oui, Pont-Aven est devenu effectivement un petit village qui a conquis le cœur des peintres et où ils se retrouvent en colonie. Mais ce qui est assez intéressant, alors je pense que c'est un phénomène moi que je suis surtout observé à Douarnenez, mais qui en fait a lieu aussi à Pont-Aven, c'est que finalement c'est un déplacement du milieu parisien à Pont-Aven, il s'agit uniquement d'un déplacement géographique et pas tellement d'un déplacement du regard. C'est-à-dire que finalement, ces peintres ont une idée préconçue de ce qu'ils vont trouver à Pont-Aven parce qu'ils en ont eu des représentations au salon. Et ils vont déplacer cette idée à Pont-Aven. Et ce qui va les intéresser, c'est de retrouver exactement ce qu'ils ont déjà vu dans les salons. C'est ça, finalement, qui est le plaisir du peintre, presque, quand il arrive en Bretagne, c'est de bien trouver exactement ce qu'on lui avait dit qu'il allait trouver. Et donc, finalement, la structuration du milieu artistique parisien se retrouve de la même manière à Pont-Aven, c'est-à-dire que les peintres vivent entre eux et, pour la plupart, ne se mêlent pas du tout au reste de la population, ce qui ne permet pas aussi nécessairement toujours un renouvellement du regard. Ah oui, parce que c'est la vraie question du regard. C'est ce regard porté par les peintres sur un territoire particulier qui est la Bretagne, mais toujours en écho à là où se trouvent les acheteurs, c'est-à-dire principalement les grandes villes et Paris. Sophie Kerbrand, dans cette communauté de peintres qui se met en place, nous l'avons évoqué, il y a plusieurs générations. Donc cette première génération qui peut être proche de l'académisme, qui touche des peintres étrangers également. À quel moment voit-on arriver de nouveaux peintres qui, eux, peut-être ont envie de porter un nouveau regard sur ce territoire ? Donc en effet, peintre américain, première génération. Ensuite, ça me tient à cœur de le souligner, c'est que vers 1880, on a une colonie scandinave, et notamment de jeunes femmes scandinaves qui viennent jusqu'en Bretagne. Et je voulais citer notamment Hélène Schwerbeck, qui est quand même passée, qui a fait ses armes vers Concarneau-Pont-Aven, ou encore Eline Danielson-Gambogi. Et puis bien sûr, ces peintres dont vous parlez, Xavier, qui vont renouveler le regard, c'est Gauguin et son premier séjour à Pont-Aven, c'est en 1886. Un premier séjour où il dit à sa femme Mette au Danemark qu'il va faire un tour dans un trou en Bretagne et à moindre frais. Il cherche et des nouvelles sources d'inspiration et puis aussi finalement des facilités économiques. L'arrivée de Gauguin à Pont-Aven en 1886, c'est pas rien. À la fin de juillet de cette année 86, apparut un homme que l'on ne pouvait pas ne pas remarquer, avec ses traits fortement accusés, avec sa tenue même, avec son chandail de marin, avec son béret tiré sur l'œil, avec tout ce qu'il y avait d'étrange dans ce personnage. Ce personnage devait devenir un jour un peintre illustre, c'est Gauguin de Tahiti, mais Gauguin de Bretagne, pourrait-on dire tout aussi bien. Henri Puruchot, historien d'art qui parle de Gauguin en Bretagne avec des trémolos dans la voix. Nous étions en 1965. Ah là là, Gauguin en Bretagne. Mais ça, Gauguin, c'est cet arbre immense qui efface une forêt. Clarisse Bailleul, dans tous ceux qui sont effacés, il y a notamment les femmes. On l'a évoqué à l'instant avec Sophie Kerbrand. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Hein. On parle de colonies. Est-ce qu'on peut estimer, c'est assez difficile à savoir, mais entre Douarnenez, Pont-Aven, de combien de personnes il est question ? C'est par dizaines que ça se compte ? Je sais pas exactement, mais effectivement, Sophie Kerbrand parlait des peintres américains vers 1865. Il me semble qu'il y en avait. C'était pas si énorme que ça. Il y avait environ une vingtaine de peintres, dont la moitié étaient américains. Par contre, j'ai pas de chiffres précis. Peut-être qu'il faudrait poser la question à Sophie Kerbrand. Ben on lui pose Sophie Kerbrand. comme je le disais tout à l'heure, on a une centaine de peintres à Pont-Aven en 1885, et il y en a tellement qu'un journaliste va même dire qu'on peut pas faire un pas à Pont-Aven sans marcher sur des tubes de peinture défoncés. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est une colonie très dense en matière de peinture dans cette décennie de 1880. Et dites-nous, Sophie Kerbrand, l'arrivée de Gauguin, c'est l'arrivée d'un personnage incroyable, mais que nous connaissons aujourd'hui parce que nous savons qui est Gauguin et nous avons toute cette lecture du succès de Gauguin. Bon, quand il arrive, c'est Gauguin, mais c'est pas ce peintre de renom. Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau à Pont-Aven ? Alors, c'est vrai qu'il s'installe donc dans une mansarde de la pension Glohanec. Alors, c'est plutôt un peintre à l'inspiration impressionniste, après avoir eu une carrière de marin, après avoir travaillé à la bourse. Il sent qu'il doit essayer de se renouveler. L'impressionnisme, c'est pas forcément son mode finalement pictural qui lui convient. Et arrivé à Pont-Aven, il va découvrir des paysages, les mêmes paysages que les peintres académiques ont représentés. Mais du coup, ça va vraiment le faire réfléchir. Et il y a une petite communauté qui va finalement se constituer autour de lui. Je pense à des peintres comme Puy Godot, par exemple. Et il va avoir un petit peu l'impression de devenir une sorte de maître, de pouvoir échanger, de pouvoir aussi transmettre une leçon. Et peu à peu, son style va évoluer. Parce que, Sophie Kervran, nous sommes... pour l'arrivée de Gauguin en 1886, c'est-à-dire que l'impressionnisme est déjà une vieille chose, j'allais dire. La première exposition impressionniste a eu lieu en 1874. Donc l'impressionnisme est un mouvement qui est déjà bien reconnu avec Monet, avec Renoir, etc. Gauguin fait partie de ces peintres qui se disent « bon, on peut peut-être aller encore plus loin ». Exactement, et qui a vraiment une réflexion sur la peinture. Mais le vrai choc va avoir lieu un tout petit peu plus tard, 2 ans après, lors du second séjour de Gauguin à Pont-Aven en 1888. Et là, ça va être le choc des titans. La rencontre entre Paul Gauguin d'un côté et Émile Bernard de l'autre. Et là, sans chauvinisme aucun, c'est vraiment la naissance de la modernité picturale à Pont-Aven. Voilà, Pont-Aven, on sent que dans ce petit village breton, il se passe quelque chose pour l'histoire de l'art, parce qu'il y a de la réflexion par ces peintres. Clarisse Bailleul, vous êtes docteur en littérature française et vous avez travaillé sur les écrits des peintres bretons. Je lis le titre de votre thèse, « Les peintres de la Bretagne au défi de l'écriture, 1870-1939, panorama des pratiques littéraires, enjeux, apports, intérêts artistiques, culturels ». Dites-nous, ces écrits sont nombreux et, bah oui, c'est vrai qu'on ne se téléphonait pas à ce moment-là, on s'écrivait, donc il y a beaucoup d'écrits. Oui, il y a beaucoup d'écrits, beaucoup plus qu'on ne pense. Et finalement, je pourrais même dire que moi j'ai été noyée dans cette masse d'écrits parce que effectivement on ne se téléphonait pas, parce que aussi c'est l'essor de la presse et que pour les artistes à cette époque-là, du fait d'une transformation du milieu artistique, de l'abandon de l'organisation des salons par l'État et bien sûr de l'explosion de la presse, de la loi sur la liberté de la presse, énormément de petites revues vont éclore à cette époque et les peintres se servent de ces revues pour faire connaître leur travail, notamment bien sûr les peintres qui souhaitent un peu renouveler la peinture. Et il y a beaucoup de couples qui se créent, notamment Gabriel Albert Aurier et Paul Gauguin, où Albert Aurier va défendre Paul Gauguin, ce qui va lui permettre finalement d'acquérir une certaine notoriété et de passer chef de file du symbolisme. Donc finalement, les peintres et les écrivains se renvoient la balle à ce moment-là. Et donc je parlais des écrits. Bien sûr, il n'y a pas uniquement non plus d'écrits uniquement des écrits sur l'art. On trouve aussi chez certains des récits de voyage. Émile Bernard a probablement écrit autant qu'il a peint, mais ça c'est quelque chose qui est resté complètement confidentiel. Et voilà, il y a finalement un panel de génériques d'écrits qui est assez fascinant. La correspondance, la littérature, la presse et puis les mémoires aussi. Émile Bernard hein, qui publie les récits de son séjour à Pont-Aven, avec la question qui se pose, c'est que valent ces écrits ? Parce que il y a beaucoup d'écrits de ces peintres et vous, Clarisse Bailleul, dans ces regards d'une spécialiste de la littérature, vous retrouvez dans les écrits les innovations qu'il peut y avoir en peinture. Est-ce que ce sont des gens qui transmettent bien le défi qu'ils veulent relever ? C'est pas toujours leur volonté de défier la littérature autant qu'ils défient la peinture, je pense. Pour certains, c'est le cas. Moi, ce que je trouve très intéressant, alors c'est encore Gauguin, mais on en parle vraiment très peu de la stylistique de Gauguin, mais Gauguin a une langue qui pourrait être comparable à sa peinture, qui est une langue très riche, très colorée, toujours insolente, comme on peut imaginer aussi le personnage, et qui a pour moi une stylistique littéraire extrêmement particulière et intéressante à étudier. Oui, parce que ce sont des gens qui écrivent énormément, ces peintres. Et c'est en cela qu'ils sont intéressants de les étudier en parallèle de leur création picturale. Vous avez procédé comment, Clarisse Bailleul? C'était quoi la volonté, en faisant ce travail, cette thèse? C'était de mieux comprendre le processus de création de ces peintres? Oui, à l'origine, je m'étais posé la question de savoir comment un peintre peut aussi être écrivain. Et est-ce que c'est leur volonté? Finalement, il s'avère que dans très peu de cas, c'est leur volonté de devenir aussi écrivain, ou en tout cas de faire acte d'écriture littéraire. Et Gauguin est le premier à s'en défendre. Et c'est très très intéressant parce que finalement, autant je disais qu'il avait une écriture vraiment littéraire, autant il passe son temps à se défendre de faire de la littérature, aussi parce qu'il reproche aux critiques d'art de se penser compétents sur la peinture alors qu'ils ne le sont pas, simplement parce qu'ils sont capables d'écrire sur la peinture et donc du coup ils seraient compétents sur la peinture. Donc Gauguin, pour se prémunir des reproches qui pourraient lui être faits, se dit lui-même, scande pendant toute son autobiographie, ceci n'est pas un livre, attention, moi je ne fais pas de la littérature. Oui, alors qu'il en fait. Tout à fait. Oui, parce qu'il fait un livre. Et puis ce qui nous manque toujours, mais ça, historiens, historiennes le savent tellement, c'est l'échange par la conversation, ce quotidien. Ils sont là, tous ensemble, à Pont-Aven, et ils se retrouvent dans les auberges. Marie-Jeanne était une bonne cuisinière et elle a créé une ambiance très chaleureuse pour les artistes. Et elle avait de grandes tables en bas, la bonne nourriture, bon cidre, bon vin. Les travaux ont permis de mettre à jour des croquis et des signatures de peintres illustres ou inconnus, comme sur cette planche retrouvée dans les combles de la chambre occupée par Gauguin. C'est vraiment l'histoire de l'art sur les murs, parce que les artistes, ils ont passé les après-midi pluvieuses ici, par exemple, en disant « Ah, j'ai fait ça aujourd'hui », ils ont fait un petit croquis. Nous avons trouvé les petits croquis, les bretonnes avec le croix, ou ici, il y a un petit croquis d'un chemin de croix. En 2000, Loire-Bretagne présente la restauration de la pension Glohanec à Pont-Aven, évidemment. Sophie Kerbrand, ses pensions, ses auberges, mais c'est l'histoire de l'art aussi. Mais totalement, et je pense que c'est une histoire qui mériterait encore d'être approfondie, et notamment le rôle de ces femmes dont on a évoqué le rôle tout à l'heure, notamment de Marie-Jeanne Glohanec, qui a cette petite pension dans laquelle elle loge Gauguin en 1886, et elle accueille de nombreux peintres. Et c'est vrai qu'on peut imaginer une ambiance assez festive, d'ailleurs on le sait hein, par le biais de la correspondance, il y a les académiques d'un côté et ce qu'on appelle alors les impressionnistes de l'autre. C'est la querelle des anciens contre les jeunes, si on puis dire. Et Marie-Jeanne Glohanec est vraiment une personne importante. Dans une des lettres que nous conservons au musée de Pont-Aven, où Gauguin a écrit à son cher Schouff, le peintre Schouffenecker, il explique que Marie-Jeanne va lui faire crédit et qu'il va pouvoir un petit peu rester un peu plus longtemps. Et on conserve aussi dans nos collections un peu de lambris qui était évoqué dans le petit reportage que vous avez diffusé, un morceau de lambris de la pension Glohanec où on voit en effet les traces, vous savez, des pinceaux. On s'imagine que les peintres ont peint sur leur toile et puis ont nettoyé leurs pinceaux sur le lambris. Donc finalement, par la matérialité de ce lambris, on perçoit toute l'intimité finalement de ces artistes dans leur création. Et puis l'intimité, l'artiste complètement absorbé par sa création, et puis ensuite qui descend à l'auberge et qui boit des coups avec ses potes. Parce que c'est ça aussi, Sophie Kervran, Pont-Aven. Mais oui, c'est encore ça, Pont-Aven. Mais oui, bien sûr, c'est important aussi d'avoir ces échanges. Et je pense que les échanges entre peintres, dans des ambiances plus ou moins avinées, ont quand même permis la naissance du synthétisme. Je vous ai parlé de Marie-Jeanne Gohanec, mais les peintres aussi plus fortunés allaient chez Mademoiselle Julia Guillou, qui avait un hôtel, qui a construit une annexe. Dans cette partie de cette annexe se situe aujourd'hui le musée de Pont-Aven. Et on a des cartes postales où on voit la salle à manger de l'annexe de l'hôtel Julia, avec de grandes tablées, avec bien sûr donc les couverts, et près de chaque assiette, une bouteille de vin. Donc on peut imaginer que l'ambiance était assez chaleureuse. Oui, mais la Bretagne sait faire la fête, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle dort toujours y retourner. Cette Bretagne, mais que cherchaient ces peintres qui allaient à Pont-Aven, cette Bretagne un peu fantasmée avec ses costumes traditionnels, la fête, les costumes traditionnels, formidables, ils ont des chapeaux ronds. Tiens, il y a Alfred qui est plongé dans le folklore. Tu parles, il est breton, il ne lui manque plus que son chapeau rond. Mon père couche avec ma mère, ce n'est point par amusement, c'est pour me faire un petit frère qui mènera la vache au champ. Ils ont des chapeaux ronds. Le curé de Saint-Martin, qui sait tout et qui sait rien, a coupé la queue de sa nane pour la mettre à son petit chien. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. À l'enterrement de ma grand-mère, j'étais devant, j'étais derrière, j'étais devant, j'étais tout seul à l'enterrement. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds. C'est la coutume en Bretagne, à la fête du grand pardon, les filles montent au matocagne, décrocher les saucissons. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Ah non, pas de manifestation politique. Ils ont des chapeaux ronds, la chorale des salles de garde dans le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique d'Alia, qui, comme moi, vous présente nos plus pâtes excuses pour vous avoir mis cet air en tête pour l'ensemble de la journée. Ils ont des chapeaux ronds. Clarisse Bayol, oui, c'est la fête à Pont-Aven. Oui, c'est la fête à Pont-Aven. Et pour certains peintres, c'est un peu trop la fête, parce que on n'a pas forcément évoqué beaucoup cet aspect, mais ce qui attire aussi beaucoup les peintres, c'est ou en tout cas ce qui les intrigue, c'est l'aspect religieux. Et chez certains peintres, l'arrivée en Bretagne va, bien sûr, tout ce qui est fête et pardon va, d'un point de vue du motif pictural, les intéresser, mais finalement va aussi faire naître le sentiment religieux en eux. Et la volonté de pouvoir travailler dans le calme fait que Pont-Aven devient presque un petit Paris pour eux et qu'ils sont obligés de quitter le village pour pouvoir aller travailler sur un rythme presque monacal. On retrouve ça beaucoup dans les lettres de Sérusier, de Vercade et puis d'Armand Seguin aussi, dont certaines sont conservées au musée de Pont-Aven, où ils racontent qu'ils se sont éloignés de Pont-Aven pour travailler sans alcool, sans femme et avec un rythme tout à fait régulier, qu'ils cuisinent le midi et qu'ils se couchent tôt le soir. Et finalement, oui, Pont-Aven devient un peu trop festif pour eux. Bah oui, parce qu'ils sont venus là pour travailler. Sophie Kervran, ils travaillent, ces peintres à Pont-Aven, et en travaillant, ils marquent une page colorée de l'histoire de l'art. Qu'est-ce qui se passe à Pont-Aven? Qu'est-ce qui apparaît comme innovation dans l'art pictural? Alors c'est vrai qu'on parle d'école de Pont-Aven ou de synthétisme. C'est vrai que lorsque Gauguin et Émile Bernard se retrouvent en 1888 à l'été, il y a une sorte d'émulation, voilà, d'émulation artistique où chacun apporte sa pierre à l'édifice et il y a la création à Pont-Aven, donc dans ce petit bourg d'à peine 2000 âmes, de deux chefs-d'œuvre de la modernité picturale. D'un côté, la vision après le sermon de Gauguin, qui est aujourd'hui conservée à Édimbourg. et de l'autre Bretonne dans la prairie d'Émile Bernard, conservée au musée d'Orsay, où là vous avez, je vous redis, un choc, une simplification des formes, un esprit décoratif, des couleurs pures, l'élimination de tous les détails, la déformation expressive des corps. On n'est plus du tout dans l'académisme, on n'est plus du tout dans le naturalisme. On ne décrit pas ce que l'on voit devant soi, on décrit ce qu'on ressent. Le synthétisme, c'est cette synthèse finalement entre le thème et son expression artistique, faire surgir sur la toile ses émotions, son rapport au paysage, au modèle, et non plus une représentation fidèle de la nature. Avec une place importante accordée à la couleur. Exactement, des couleurs pures. Alors c'est vrai que lorsque vous regardez un Gauguin ou un Émile Bernard, vous avez ces aplats d'un jaune très vif, de vert, de bleu. C'est terminé finalement cette vibration de la couleur à la façon impressionniste. On est dans des couleurs presque crues. Alors on le dira plus pour les fauves un peu plus tard. Mais voilà, c'est vraiment les prémices d'une utilisation chromatique très osée. Le droit de tout oser, disait Gauguin. Dans cette économie, nous l'avons évoqué, il y a la volonté, ou en tout cas le désir d'aller en Bretagne pour rapporter des toiles à Paris qui vont se vendre. Et ça, c'est une première démarche qu'on va retrouver, je pense, aussi en Normandie, avec tous ces peintres comme Boudin qui vont peindre la côte normande. Ça se vend bien. Dites-nous, Sophie Kervran, mais ces tableaux qui touchent au synthétisme, qui vont très loin dans l'audace, se vendent-ils ? Ah non, pas terrible, hein. Ça on peut pas vraiment dire ça. Et puis il y a des déconvenus. Je pense à Gauguin qui fait ce superbe autoportrait au Christ jaune inspiré de la sculpture qui est dans la chapelle de Trémalo à Pont-Aven, qui veut le donner au curé de Nison à Pont-Aven. Et le curé est affolé quand il voit ce tableau, il refuse. Je pense au tableau, là aussi mythique, La Belle Angèle de Gauguin, conservé au musée d'Orsay, qui représente une jeune femme pontavéniste Marie-Angélique Sâtre. Lorsqu'il veut lui donner, elle est totalement affolée, elle le trouve horrible ce tableau, et c'est Degas qui va l'acheter, qui lui pressent toute la modernité de ce tableau. Donc non, c'est un courant disruptif, en rupture avec tout ce que l'on connaît aujourd'hui, et voilà, l'innovation fait toujours peur au début. La Belle Angèle, cette Angèle-là, c'est aussi une des aubergistes. Oui, alors ses parents tenaient un café près de la pension Gloanec. Elle était considérée comme la plus belle femme du pays. Et donc, elle accepte hein, de poser pour Gauguin. Et il en fait un tableau totalement fou. Elle est dans une sorte d'ovale avec un visage un petit peu déformé. D'ailleurs, on ne retrouve pas du tout ses traits. Très japonisant, avec en arrière-plan une sorte de sculpture anthropomorphe. Vous pouvez imaginer, mais même aujourd'hui, vous présenteriez ça à certaines personnes, elles n'en voudraient pas. Donc c'est assez fou finalement cette innovation picturale qui naît à Pont-Aven par Gauguin, mais qu'il faudra encore quelques années pour qu'elle soit reconnue à sa juste valeur. Sophie Kervran, parmi les tableaux identifiés, nous disait qu'il y a Bretonne dans la prairie, le tableau d'Émile Bernard, qui est parmi les tableaux de référence. Dans cette relation qu'il peut y avoir entre les peintres, Clarisse Bailleul, on peut voir vraiment entre Gauguin et cet Émile Bernard une amitié intense qui correspond également, et je l'évoquais en début d'émission, à une forme de détestation. Ça dépend des moments. Oui, ça dépend des moments. Enfin, ça commence par une amitié intense et une émulation entre ces deux peintres qui est très forte. Alors, c'est pas d'ailleurs le cas tout de suite parce que Émile Bernard, bon, qui est quand même assez de mauvaise foi dans ses mémoires, raconte d'abord que la première rencontre avec Gauguin finalement n'a pas lieu en 1886. Ce qui est vrai par ailleurs, mais il a tendance évidemment à déformer un peu la réalité en racontant qu'il n'est pas du tout impressionné par les travaux de Gauguin. Et puis la deuxième rencontre en 1888 est enfin leur heure de gloire, où, comme le disait Sophie Kervran tout à l'heure, ils élaborent ensemble les principes du synthétisme. Mais cette lune de miel entre les deux artistes ne va pas vraiment durer, puisque au moment d'attribuer la paternité du synthétisme à quelqu'un, c'est Gauguin qui l'emporte. Je parlais tout à l'heure de Gabriel Aurier. C'est lui qui va finalement élire Gauguin comme le chef de file du synthétisme. Selon moi, il y a plusieurs raisons. Du fait de la différence d'âge des deux artistes. Gauguin est deux fois plus âgé qu'Émile Bernard au moment où ils élaborent ensemble le synthétisme. Et puis, Gauguin est une personnalité qu'on remarque. Il a une manière de marcher, une manière de se présenter. Tout le monde parle de son nez d'aigle. D'ailleurs, Armand Seguin finit même par dire « J'aimerais me reposer à l'ombre d'un cocotier ou du nez de Gauguin ». Voilà, Gauguin est une personnalité remarquable, alors qu'Émile Bernard est beaucoup plus jeune et il a un tempérament de polémiste. Ce qui, je pense, ne joue pas en sa faveur pour être reconnu comme chef de file du groupe synthétiste. Et finalement, Émile Bernard est extrêmement vexé d'être mis à l'écart de cette élaboration conjointe du synthétisme et va se retirer en Orient pendant plusieurs années. Il va vivre au Caire pendant 10 ans suite à ce rejet finalement de l'histoire, en tout cas de sa place dans l'histoire. Ah là là, c'est vrai que Sophie Kervran, on parle de chef de file, on parle d'artiste majeur et dans le même temps de colonie de peintres. C'est aussi ça hein, le musée de Pont-Aven, c'est de rappeler qu'il n'y a pas que Gauguin à Pont-Aven, il y a quand même du monde, des hommes, des femmes. Oui, alors c'est vrai qu'on parle d'école de Pont-Aven, de groupe de Pont-Aven. Finalement, Gauguin, même s'il n'est pas finalement un vrai chef de file d'une vraie école, a diffusé sa leçon, sa modernité auprès de nombreux artistes et de nombreux artistes étrangers. Je pense au Polonais Chlewinski, je pense au Hollandais Meyerdehan, je pense au Danois Mogens Ballin. Et finalement, certains ne vont même pas le rencontrer, mais quand ils vont venir à Pont-Aven, ils vont bénéficier eh bien, de son aura, voir ses œuvres. Et finalement, ce synthétisme va se diffuser dans toute l'Europe grâce à ces artistes, là encore étrangers, qui vont découvrir l'œuvre de Gauguin. À quel moment Gauguin quitte-t-il Pont-Aven ? Alors, son dernier séjour, c'est en 1894. Un séjour assez erratique. Il vient en fait avec sa maîtresse, Anna la Javanaise, qui est en fait mi-malaise, mi-indienne. Et lorsqu'il se balade à Concarneau, il va y avoir une rixe avec des marins. Et Gauguin va avoir la cheville cassée, donc il va se retrouver là encore chez Marie-Jeanne Gloanec, convalescent, ne pouvant pas bouger. Et c'est là où peu à peu, eh bien, il dit au revoir au final à la Bretagne. Nous conservons au musée de Pont-Aven un très très beau pastel qui date de 1894 où on voit deux têtes de Bretonne et l'une a les yeux fermés comme si voilà on l'a quittée et l'autre a les traits tahitiens, polynésiens et regarde vers le futur et ça va être le futur de Gauguin, partir vers les îles, vers un territoire plus exotique au final que la Bretagne. Voilà, ce sont les Marquises, c'est un autre horizon qui s'ouvre pour Gauguin, mais cela ne veut pas dire qu'à Pont-Aven, il se passe plus rien. Clarisse Bailleul, il y a cette première génération, on l'a dit, ces années 1860, 70, des peintres académiques et qui cherchent une Bretagne fantasmée. On a cette génération de Gauguin en chef de file, mais il y a Émile Bernard et tant d'autres. Après le départ de Gauguin, que se passe-t-il pour les peintres en Bretagne ? Après le départ de Gauguin, il y a, alors je dirais, même surtout après sa mort, même si bon, c'est quand même un petit peu plus loin, il y a, j'ai l'impression, enfin, Denise Delouche a remarqué qu'il y avait chez certains peintres une sorte de soulagement, ou en tout cas de changement dans leur manière de peindre, comme si Gauguin avait laissé une sorte de chape, une sorte d'injonction à peindre comme il l'avait proposé chez certains peintres. Notamment Mofra, il me semble. Et finalement, ils reviennent à leur manière plus impressionniste après. Bon, ça, c'est beaucoup plus tardivement. Mais après le départ de Gauguin, il y a quand même, de toute façon, ce groupe, alors là, qui n'est plus à Pont-Aven, mais qui est à Paris, ce groupe des Nabis, qui va se former dès 1888, donc très, très rapidement, en fait, dès les premiers essais d'Émile Bernard et Gauguin. qui va se former à Paris. Alors là, ce ne sont plus les peintres de Pont-Aven, mais c'est un autre groupement d'artistes qui va se former d'après, enfin, autour des principes de Gauguin, en sachant que Gauguin n'a jamais théorisé, n'a jamais vraiment enseigné ses principes, mais c'est plutôt Paul Sérusier qui va se faire le relais de l'enseignement de Gauguin auprès de ses nabis, ceux qui sont des élèves de l'Académie Julian, en fait. Avec un relais qui est presque magique et qui tient au spirituel et qui touche au talisman. Oui, alors ça, c'est une histoire assez fantastique et finalement, il y a eu une très très belle expo présentée au musée de Pont-Aven, puis au musée d'Orsay en 2017, si je ne me trompe pas, sur le talisman, qui est le tableau qui est parti de Pont-Aven et qui est arrivé au Nabi et qui va être réalisé dans un contexte que Maurice Denis va relater tel un mythe finalement. Il va être réalisé au Bois d'Amour, qui est un endroit finalement qui semble assez sacré, ou en tout cas complètement fantasmé, lors d'une seule et unique leçon donnée à Paul Gauguin, à Paul Sérusier, pardon, par Paul Gauguin, et Paul Sérusier va retourner à Paris montrer ce talisman qui, en réalité, à l'époque, ne s'appelle pas encore le talisman, prendra ce nom beaucoup plus tardivement sous la plume d'Émile Bernard. Il s'appelle alors Paysage au Bois d'Amour, tout simplement. Et le groupe des Nabis va se former autour de ce talisman. Et Maurice Denis va beaucoup jouer de cet événement pour symboliser un peu et en faire un mythe cette création du groupe des Nabis. Avec Sophie Kervan, une histoire en fait qui n'est pas que bretonne. Il y a Pont-Aven, il y a Douarnenez, très bien. Mais en fait, les Nabis sont parisiens. Ce sont les héritiers de tout ce qui s'est passé en Bretagne. Et puis avec Paul Gauguin qui part dans les îles Marquises, il meurt en 1903. On a là aussi presque une histoire mondiale. C'est important aussi, vous êtes, je le rappelle, la directrice du très beau musée de Pont-Aven, la volonté de montrer que ce n'est pas une histoire locale qui s'écrit là, bien au contraire. Oui, vous avez totalement raison de le souligner. On est dans une histoire beaucoup plus large que celle de l'histoire de l'art en Bretagne. On est en effet dans la naissance de la modernité picturale. On est dans la diffusion de cette modernité. Et il y a une très belle exposition en ce moment aussi à Londres, à la National Gallery, qui s'appelle After Impressionism, après l'impressionnisme, et qui montre qu'en fait, c'est une histoire pan-européenne. Voilà, Gauguin, il va essaimer en Belgique. Gauguin, il va essaimer au Danemark. Gauguin, il va essaimer aux Pays-Bas. Et on a tous en tête les œuvres qu'il a pu faire en Polynésie. Mais voilà, étant bretonne, je vous dirais quand même que tout part de Pont-Aven à un moment ou à un autre. Oui, et puis il faut aller à Pont-Aven parce qu'il y a le musée de Pont-Aven, bien sûr. Il y a la ville elle-même. Dites donc, Sophie Kervan, vous nous avez dit qu'il y a, au début, c'est très bien, hein, les Bretons étaient là, regardaient ces peintres, et puis on l'a précisé, il n'y avait pas toujours de proximité évidente. Aujourd'hui, qu'en est-il ? C'est-à-dire que c'est un coup de projecteur absolument magique sur Pont-Aven. Il y a une fierté et encore des visiteurs qui viennent sur les lieux pour voir cette lumière exceptionnelle que recherchaient ces peintres. Oui, c'est vrai que la chance que l'on peut avoir à Pont-Aven, c'est de voir des œuvres au musée et puis de faire quelques pas et d'aller sur les lieux où elles ont pu être peintes. Vous pouvez aller à la chapelle de Trémalo et voir le Christ jaune qu'il y a un siècle, Gauguin admiré. Vous pouvez aller sur le Bois d'Amour qui a été tant représenté par les peintres. Vous pouvez aller sur le port, vous pouvez aller voir les moulins. Il y a vraiment une sorte d'interaction entre les œuvres et les paysages que l'on peut voir encore aujourd'hui. Et c'est ce qui fait vraiment tout le charme. Le mot est peut-être pas le bon, parce que voilà, Pont-Aven, ce n'est pas que les galettes, même si c'est en partie cela, ce n'est pas que le tourisme, c'est aussi la peinture. C'est vraiment ce surnom de cité des peintres qui est vraiment important à mettre en valeur. Voilà, Cité des peintres et pas seulement le film Les Galettes de Pont-Aven qui a ouvert cette émission. Sophie Kervan, là aussi, ça reste un chef-d'œuvre. Ah, un chef-d'œuvre, même si j'ai rarement heurté des sangliers quand j'allais à Pont-Aven. Et ça nous a un peu desservi quand même ce film en matière de stéréotypes. Mais voilà, c'est toujours une petite Madeleine de Proust quand on le regarde. C'est ça. Et puis, dans cette histoire-là, dans Les Galettes de Pont-Aven, le film, il y a un petit clin d'œil à la peinture. Enfin, il y a de la peinture, évidemment, parce que c'est Pont-Aven et Pont-Aven, c'est la peinture. Clarisse Bailleul, dans l'étude que vous avez réalisée sur les peintres en Bretagne au défi de l'écriture, vous terminez votre étude en 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, il y a comme un délitement, mais c'est cette usure-là à laquelle on assiste dans les lieux qui sont prisés par les peintres. Et puis, la nouvelle génération fait vieillir ces lieux-là. Et il y a eu ce glissement-là aussi pour Pont-Aven ? Ce glissement-là, je ne saurais pas dire exactement, mais effectivement... Les lieux en Bretagne continuent à être fréquentés et il y a quand même, je pense que Sophie Cavran en parlerait mieux que moi, une continuité de la peinture. D'ailleurs, elle est toujours extrêmement vivante aujourd'hui à Pont-Aven. Mais en réalité, au début du XXe siècle, il y aurait plutôt une rupture puisque, avec la montée des nationalismes, un peu comme partout en Europe, il y a un mouvement inverse qui va se produire, c'est-à-dire que durant tout le 19e siècle, les peintres viennent en Bretagne pour apporter des images à Paris, et à partir du début du 20e siècle, ce sont des peintres de Bretagne, ou en tout cas des artistes de Bretagne, qui vont commencer à se grouper pour exporter, entre guillemets, une image de leur région vers Paris. Sophie Cavran, il y a donc toujours des peintres à Pont-Aven. Oui, et c'est vrai qu'on parle de seconde génération de l'école de Pont-Aven après la Seconde Guerre mondiale. Je crois que c'est ça qui est assez amusant dans cette ville-là, c'est que la peinture, elle est vraiment accrochée au corps des pont-avenistes, peu importe sa qualité. Et il y a vraiment toute une génération de peintres qui ont continué à exercer au sein de la ville. Et puis aujourd'hui, voilà, de nombreuses galeries. Donc une histoire qui vraiment continue depuis la seconde moitié du 19e siècle. Et bien une histoire qui nous donne envie de faire un petit tour en Bretagne. Merci vivement à toutes les deux. Clarisse Bailleul, des études à publier. Et merci à vous Sophie Cavran, directrice du musée de Pont-Aven. Tout le monde va aller à Pont-Aven cet été. Merci à toutes les deux. Pour nous, l'aventure continue, mais c'est avec Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. Comment les médicaments génériques étaient-ils utilisés au XVIe siècle ? En 2019, la loi de financement de la sécurité sociale a introduit une nouvelle modalité de prise en charge des médicaments dans le but de favoriser le recours aux médicaments génériques. Un générique est fabriqué à partir de la même molécule qu'un médicament déjà autorisé, mais son brevet est tombé dans le domaine public. Cette réforme a été critiquée par l'Académie nationale de médecine, car selon elle, un médicament générique n'est pas la copie conforme du médicament original. Le changement d'excipient peut occasionner des réactions allergiques plus ou moins sévères. En tant qu'historien, ce qui m'a paru intéressant dans cette controverse, c'est que les arguments avancés en faveur ou contre les génériques s'inscrivent dans le prolongement d'un type de raisonnement semblable à celui qui existait déjà au XVIe siècle. Il touche à un problème beaucoup plus vaste qui concerne la pratique de la substitution. À partir de quel seuil un changement de qualité n'est plus tolérable ? Quels critères faut-il retenir pour affirmer que deux choses différentes peuvent, du point de vue de leur usage, être considérées comme identiques ? Sur le plan conceptuel, l'histoire des médicaments génériques s'inscrit ainsi dans le prolongement d'une histoire visant à définir ce qu'est un substitut, entendu comme un produit identique mais de second choix. C'est ce qu'on appelle en allemand un Ersatz, terme qui s'est largement diffusé à partir du XVIe siècle. À cette époque, la médecine était encore fortement influencée par les théories d'Hippocrate et de Galien. On considérait que chaque matériau était composé de quatre éléments auxquels correspondaient quatre qualités – chaud, froid, humide, sec – dont l'agencement définissait, pour l'être humain mais aussi pour les aliments et les médicaments, un tempérament spécifique. De même que des personnes pouvaient être phlegmatiques ou sanguines, des remèdes étaient qualifiés de chauds et secs ou de froids et humides. C'est à partir de ces principes de base que les médecins ou les apothicaires devaient identifier les remèdes capables de guérir les malades, mais aussi de leur trouver des substituts ayant des qualités et des degrés similaires. À partir des années 1560, les pharmacopées commencèrent à établir des listes de substituts, et ceux-ci firent leur apparition dans les manuels de recettes compilés par les maîtres apothicaires. L'histoire des substituts fut fortement marquée aussi par le recours croissant aux drogues, considérées comme exotiques. Dès l'Antiquité, les épices et les drogues orientales avaient joué un rôle essentiel dans l'exercice de la médecine et dans la production de textes sur la pharmacopée. Mais au XVIe siècle, le développement du commerce international eut pour effet d'élargir considérablement le marché des drogues exotiques. Étant donné que l'acheminement jusqu'en Europe des produits venus de loin était très irrégulier, la question des substituts fut à nouveau placée au centre des préoccupations de la médecine dans le cadre d'une réflexion collective opposant, d'un côté, l'Asie et ses traditions lettrées et, de l'autre, l'Afrique et l'Amérique, associées jusque dans l'iconographie à une nature sauvage. Merci beaucoup Gérard Noiriel. Le pourquoi du comment à retrouver sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Le pourquoi du comment de Gérard Noiriel, retrouvé aussi en librairie. Mais alors, nous poursuivons notre journée. Nous avions le choix, plouf plouf, entre le choléra ou la peste. Ce sera la peste. Mais alors, Valérie Hanin, que vous a-t-il pris à faire un dossier sur la peste? Mais c'est génial, hein, en même temps, c'est d'une richesse ce dossier du magazine L'Histoire. Merci Xavier. Qu'est-ce qu'il nous a pris? Eh bien, il nous a pris que c'est une histoire très actuelle. D'abord, on a tous été évidemment confinés, frappés par le Covid, par une maladie qu'on n'attendait pas. Et on a cru revivre la peste. Tout le monde a relu Albert Camus, le chef-d'œuvre évidemment d'Albert Camus et même Thucydide. Pourtant, avec le Covid, on était très très loin de la peste. Hein, parce que le Covid, peut-être 28 millions de morts. La peste noire à elle seule au XIVe siècle, c'est probablement 52 millions de morts sur 80 millions d'Européens, 2 Européens sur 3. C'est la plus grande pandémie mondiale. C'est normal que ce soit devenu le nom de nos peurs. Alors, c'est une histoire qui est bien documentée depuis longtemps, les textes, Boccace, Pétrarque, les archéologues qui ont beaucoup travaillé, Frédéric Audouin, alias Fred Vargas, qui a montré le lien avec les rats, mais c'est quand même une histoire qui a beaucoup changé, qu'on voit autrement aujourd'hui. On a essayé d'en faire dans ce numéro l'histoire totale, avec l'aide de Patrick Boucheron, l'aide décisive, hein, qui lui a consacré depuis 2 ans son cours au Collège de France. Pourquoi total? Parce que c'est d'abord une histoire, enfin, en lien avec les scientifiques, les progrès de l'archéogénétique. On est capable aujourd'hui de repérer Yersinia pestis, de dire, de faire l'itinéraire de la tueuse, hein, qui a frappé l'empire de Justinien au VIe siècle, qui dormait dans les plateaux du Tibet, dans les pelages des rongeurs, et qui mute. Yersinia pestis mute au XIIIe siècle. C'est le Big Bang, et qui va déferler à travers l'Asie centrale. Alors ça, on le sait, notamment grâce au ce qu'on appelle le grand échange mongol. Alors, Patrick Boucheron dit joliment que il n'y a pas eu de cadavres pesteux balancés par-dessus les murailles de Kaffa, et voilà, c'était pas l'arme bactériologique. C'est la fille de la paix, du grand commerce, et c'est comme ça qu'elle arrive en Europe en 1347-48. Et là, on la connaît bien, elle ne va pas quitter l'Europe pendant 300 ans. On sait qu'elle frappe à Naples, à Milan, un peu partout, à Vienne et à Marseille en 1720. Et ce qu'on a voulu faire aussi dans ce numéro, c'est l'histoire, évidemment, motivé aussi par le Covid. Hein. Comment on résiste face à une épidémie pareille, hein, l'extraordinaire résilience des sociétés humaines. Les médecins qui inventent des masques, qui inventent la quarantaine, qui cautérisent les bubons à tour de bras. Et puis, les autorités des villes. On continue de vivre dans les villes. Pendant la peste, les affaires continuent. Hein, le Caire perd 2 fois de suite 40% de sa population et puis ça reste une grande ville qui vit. Et l'art, hein, on a beaucoup parlé d'art, les danses macabres, on danse avec les squelettes et le droit qui invente le droit de la peur. Bon, enfin, c'est vraiment une histoire totale, une histoire dans laquelle il y a aussi du climat. ça nous intéresse beaucoup aujourd'hui, parce que si ça s'est tellement implanté, c'est peut-être aussi parce qu'on était au début du petit âge glaciaire et que les rats, les puces ont trouvé là un terrain favorable. Alors, est-ce qu'on est sorti de la peste ? Eh bien, on n'en est pas sûr. On termine comme ça sur cette question. La troisième pandémie, bien sûr, c'est la bataille au sommet. Bien sûr, Yersin identifie le bacille à Hong Kong en 1894. Bien sûr, on cherche encore un vaccin. Mais aujourd'hui, on meurt encore de la peste. Et on peut encore avoir peur d'une arme bactériologique, comme peut-être au XIVe siècle. C'est un dossier extrêmement complet, itinéraire d'une tueuse, par Patrick Boucheron, ce qui permet de faire un salut amical à Patrick Boucheron, ah oui, qui sait transmettre l'histoire. Un dossier très complet, mais qui se termine quand même avec de l'espoir, Valérie Hanin. Tout de parce même, que tout de même. Il y a le vaccin. Merci vivement, Valérie, merci d'avoir Xavier présenté ce numéro de l'Histoire sur la peste. C'était le cours de l'Histoire sur France Culture. Une émission préparée par Jeanne Delecroix, Toscane Vidal, Jeanne Copé, Gillian Tilly et Maïwenn Guizhou, à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture présente Le secret de la licorne. En offrant à son ami Haddock le modèle réduit d'un navire, Tintin ne se doutait pas que cette maquette était la réplique de la licorne que commandait un aïeul du capitaine. Et je suis persuadé que si nous parvenons à réunir les trois parchemins, nous découvrirons les diamants de Rackham le Rouge. Et je sais déjà où trouver le second. Venez, capitaine! Cette découverte va les mettre sur la piste d'un mystérieux trésor. Les aventures de Tintin, le secret de la licorne, un podcast réalisé par Benjamin Habitant sur franceculture.fr et l'appli Radio France.